Pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur Antenne 94 MHz ou en écoute à partir du site asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Et oui, ils sont là, je suis totalement ému de recevoir mes camarades de Stone Circus, Didier et Stéphane, pour la dernière, qui vient de s'achever. Salut Philippe. Salut. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans ton émission, ça fait tout drôle. Et oui, j'imagine d'être de l'autre côté. Ah ouais, du miroir. Ah, c'est la première fois pour moi là, j'ai pas table de mixage. Ah ouais, ouais, là c'est bizarre de te voir à côté de moi, Didier. Moi c'est cool en fait, t'es cool. T'es cool, tu fous rien derrière le micro. Merci Philippe encore. Bah merci à vous, 20 ans ça se fête. Ouais. Voilà, quel souvenir, quel... Quel souvenir, on a débuté gamin et on finit avec les cheveux gris. Presque, oui. quel souvenir, plein de choses. Hein. L'émission a commencé en octobre 95 et puis a connu pas mal de mouvements. L'émission vraiment tout début, il n'y avait pas Didier. Ouais, je suis arrivé 6 mois après, en janvier 96, ouais. Okay, l'émission a débuté en septembre 95. Ouais. Exactement, ouais. Mais sans Didier, il n'y aurait jamais eu d'émission puisque il nous servait gentiment de taxi à l'époque. Oui, c'est vrai, ouais. J'étais le seul à avoir le permis. Il montait derrière ta meule. Elle était orange. D'accord. Et des belles sacoches. Ouais. Vous faisiez Morpa Bru. C'est ça, exactement. On allait en bus et puis on revenait en voiture ou je ne sais plus quoi. Enfin, il y a eu plusieurs périodes. Et puis je disais, il y a eu pas mal d'évolutions dans Stone Circus. Une émission d'abord consacré très garage, très psyché, et puis on a intégré petit à petit des rubricards, il y a eu le cinéma. Oui, c'est vrai, pendant une année peut-être ouais, deux, c'est ça, deux, même deux, ans, orienté ouais. Très cinéma fantastique, SF, gore, un peu le cinéma Z. Tout ce qu'on aime, les galettes de Pont-Aven. C'est ça. D'ailleurs, il y a des petits spots qui ont pas d'accord. Mal tourné les années précédentes, ouais. Il y a quelques années là. D'accord, donc ceci explique cela. Voilà. Et donc il y avait plusieurs co-animateurs à l'époque. Alors il y avait à l'époque Denis qui était un ex-membre des Trapmen, un groupe rennais qui le chanteur, un guitariste. Et puis on avait décidé de fonder une émission de radio parce qu'on a toujours voulu faire de la radio. Ça nous amusait. On trouvait qu'il y avait pas non plus d'émissions sur Canal B consacrées à la musique psychédélique. Il y avait des émissions garage, ça il y en avait beaucoup et on entendait souvent, mais pas d'émissions vraiment pure psyché. Et puis c'était voilà pourquoi. C'était la pleine époque du rock indé en plus. Exactement. Oui, anglo-saxon. et pas trop notre place. Un peu décalé, quoi. C'est ça, rap, techno, enfin tout ce qu'on aimait, quoi. Mmh. Et voilà, on s'est dit allons-y. Et puis ça a bien marché tout de suite. Yvan, à l'époque, nous a fait confiance et puis c'était parti. Voilà, ça a duré 20 ans. Pour 20 ans, d'accord. C'est okay. Ça. Et toujours dans le même esprit musical, en creusant votre sillon, donc en vous spécialisant. Exactement, en creusant notre sillon. Et puis même si les années là, 5-6 ans, on a écouté des choses beaucoup plus dures dans le sens guitare, un peu devant, des plus trucs heavy, plus stoner, ouais, dans le... plus heavy, ouais, flûte. Ouais, moins ouais. De flûte. Moins, il y en a eu la flûte. Hein, toujours ma flûte à côté là, moins de flûte. d'ailleurs, je crois que le morceau que tu as sélectionné, il y a de la flûte, il me semble, non? Oh, oui, peut-être. Ah, peut-être. non, voilà, le son c'est peut-être un peu durci. Et puis, l'émission c'est vachement plus axé sur les nouveautés qu'on n'avait pas forcément au départ. Et puis, avec d'Internet. C'est aussi. Ça, l'arrivée d'Internet, la notoriété de l'émission, les labels nous font de plus en plus confiance, nous envoyer. On n'allait plus à la pêche ceux qui venaient vers nous, tant mieux. Voilà, en vous tout cas. Vous faire des escapades en Russie pour découvrir des groupes. C'est ça, dans les steppes kazakhs. D'ailleurs, on est allé laisser quelques shorts chez toi, Didier. Ah oui. Non, mais c'est vrai que l'arrivée d'Internet, ça a chamboulé l'émission. Ça a bouleversé totalement notre façon de voir et de faire, en tout cas, cette émission. Ok, et le lundi, c'est depuis. Le lundi, c'est depuis toujours. L'aube des temps. Le hasard, le lundi. On nous a collé ce créneau voilà, 19h30. Ouais, au début c'était 19h30, 21h. 21h, ouais. Puis un décalage s'est fait de 20h à 21h30. Et puis on a plaisir de faire la liaison avec ton émission, Philippe. Ah bah moi aussi, carrément. Partagé. Ouais. Ah oui, complètement. Et puis avec des goûts en commun et puis des super échanges. C'est tout à fait. Et qui vont se poursuivre. Je l'espère. Je parlais des steppes kazakhs, notamment par rapport à Polska Radio One qu'on écoutait un petit peu plus tôt dans l'émission. Enfin, je dis ça pour les gens qui écoutent sur internet, donc vous pouvez réécouter le programme stonecircus.com et ce groupe figure sur l'excellente compilation que vous avez sortie pour fêter les 20 ans. Ouais, c'est ça. Écoute, on avait un peu touché à tout. On avait fait un groupe garage qui a pas marché, mais on s'est éclaté. Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, dans les années 90. Je ne faisais pas partie du groupe. Oh, t'étais très proche quand même. Oui. Une sorte de Roddy, voilà. Oh, ouais, enfin, une sorte vraiment. Ouais. Tu nous servais encore de taxi. Toutes nos histoires ont commencé par des histoires de bagnole. Voilà, on a touché un petit peu à tout dans l'histoire de la musique. Et puis on s'est dit, tiens, on n'a jamais sorti de vinyle. C'est l'occasion pour les 20 ans de faire un petit truc. Et voilà, on a fait appel. Ouais, ça fait des années qu'on. Ouais, qu'on en parlait déjà. Ouais. On voulait sortir des compilations un peu orientées 60s psyché. Et puis le retour du vinyle aussi qui a beaucoup joué. Absolument, Phil, tu as tout à fait raison. Nous, on a toujours baigné dedans. Le retour, on ne l'a pas vraiment pris en pleine poire. On a baigné dedans depuis les années 80. On n'a jamais quitté le monde du vinyle. Mais c'est vrai que ça a aidé et puis voilà, on a fait presser ça chez un presseur local, on voulait travailler avec eux, pour pas les nommer, M comme musique, on fait du bon boulot, on est très contents et puis une belle pochette et tout et les groupes ont répondu vraiment positivement à l'appel, j'ai pas eu besoin de trop d'insister et ça c'est vraiment aussi un plaisir. Quoi, ça prouve que le show les intéressait fortement. Les groupes, c'est un panorama en fait de ce que vous avez passé ces dernières années. Donc, absolument. Les groupes contemporains. Donc, on peut les citer. Il y a les Satelliters, beaucoup d'Allemands, les Satelliters, Wedge aussi, Baby Woodrose qu'on aime beaucoup, qu'on a découvert quasiment avec le premier album qui tombe maintenant. Ouais, qu'on aimerait bien voir en concert. Absolument, ils sont jamais passés par chez nous, c'est dommage. Les Cynics, c'est devenu presque des copains. Les Ramblers, ça. Tenez à ce qu'il y ait un groupe français et les Ramblers, c'est un vieux groupe des années 80, parce que voilà, j'ai toujours adoré. C'est un petit peu grâce à eux que l'émission s'est faite, puisqu'on a plongé dans le monde du garage, aussi bien toi que moi, Didier. Ouais, et puis d'ailleurs, c'était la New Wave aussi au début. Ouais, K0. Ouais. Et je le dis à chaque fois qu'on passe les Ramblers dans l'émission, c'est le premier groupe que j'ai vu sur scène, quoi, les Ramblers. Voilà. Alors pour être honnête, je les connaissais pas. Je ne venais pas pour eux. Ils passaient en même temps que le Dr. Feelgood à la Cité à l'époque. Ouais, exact. Mais ceux qui ouvraient le festival, c'était Élysée Rock et une claque. Quoi. Une grosse claque. Donc voilà pourquoi on tenait vraiment à ce qu'ils soient sur cette compilation. Et Vibravoid, autre groupe allemand, grosse pointure. D'accord. J'en ai oublié un volontairement. Oui, tout à fait. Sur le mec qui fait de la radio. Après, juste pour signaler, donc, elle est tirée à 350 exemplaires. Il ne doit plus en rester beaucoup. Alors. Elle est tirée à 500 exemplaires. Les 150, il y en a 150 qui sont partis pour la promo et pour les groupes. Pour les groupes, ouais, bien sûr. Et puis 350 donc à la vente. Il en reste quelques-unes. D'accord, ok. Qu'on peut se procurer sur le site stonecircus.com. Oui, puis chez nos amis disquaires, surtout à Rennes, Blind Spot, et puis Rockin' Bones en dépôt. Voilà, il n'y a pas de problème, vous la demandez, elle vous sera vendue. Ok, puis on va écouter un extrait de Flair, que je ne connaissais pas du tout, alors qu'ils sont des Suédois. Absolument, Flair, c'est un groupe psyché un peu progressif qui a déjà sorti un premier album il y a 2-3 ans, qui est formidable, je te le conseille. Si tu aimes ce titre, tu aimeras l'album. Et puis là, c'est un 4 titres digital qu'ils ont enregistré, puis ils ne trouvaient pas de label. J'aurais demandé s'ils pouvaient nous donner un morceau, ils l'ont fait gentiment et volontairement. Ça s'appelle American Dream et c'est jamais sorti sur vinyle. Merci Stone Circus, on écoute ça. À votre service, Phil. It's an invention of God. He got no sympathy for poor. Never met one before. But life seems so swell. He's going straight to this game, this American dream, it made him a disgrace, a shame of the human race. So swell, this dream is made in hell. pas Je suis turc et j'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son chimique qui fasse chanter les fous à son pendu. Je suis turc et j'ai mes têtes. Je cherche un son dalique qui traverse les métros, un son pas mao. Je suis turc et j'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son lyrique qui fasse danser les crabes, un son parade. Et je suis turc et j'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son rythmique qui se laisse empailler, un son paillé. Yeah. Je suis turc et j'ai mes têtes. Je suis turc et je cherche un son mythique. Si vous préférez un son pas anglais, un son pas tam tam, un son pas hindou, un son pas mao, un son pas arabe, un son pas yéyé, un son bien de chez nous, un son bien de chez nous. Et oui, c'était ça aussi, Stone Circus, les bizarreries françaises. C'est Didier textes. Le chef de la rubrique. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mm-hmm. Il y avait une... Mais ouais, qu'on a abandonné il y a 2 ans, parce que les bizarreries françaises, enfin les bons titres ouais, français par rapport aux titres anglais ou américains, c'est la liste est un peu moins longue, on va dire. Ouais, donc ça tournait un peu en rond. Source ouais. Tarissait vite. Ouais, ouais. Et pas de quoi alimenter toutes les semaines. Donc là, c'était un extrait de Wiz, French Psychorama, volume 3 de Born Bad, qui est la troisième anthologie donc, de kitscherie psyché de l'époque post-yéyé, comme ce Pierre Poloujac, qui était un 45 tours de 1967 de messieurs Serge Coulon et Richard David, les futurs Il était une fois. Je ne savais pas que tu aimais ce genre de choses, Philippe. Oh, à mes heures perdues. Ah, c'est ça. Avec une bière dans la main. Je dis pas que j'écouterais ça pendant une heure non plus, mais. Voilà. Mais... Ce titre-là est très fun. En plus, il parle de musique turque. On a toujours aussi été dans Stone Circus assez fan de musique psyché qui venait d'autres pays. Exactement, oui. Souvent l'été, au mois de juillet, des spéciales. Ouais, quand on faisait des spéciales. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé des émissions qu'on avait faites au spécial musique turque ou africaine. Ça a marqué ça, l'esprit des auditeurs. Bah, tant mieux. Voilà. Qui sait, peut-être qu'un jour on en repassera. Tout est réécoutable en ligne. Absolument. Stonecircus.com, il y a une adresse. Il y a le Mixcloud aussi, que tu maîtrises bien maintenant, Philippe. Merci. Mixcloud.com/stonecircus, où il y a quasiment toutes les émissions depuis 2012. Donc on peut liker et puis on peut aussi aller sur le Facebook de l'émission pour demander des rendez-vous particuliers à Didier seulement. À Didier seulement, d'accord. Ok. <Ouais. rire> une petite suite à Stone Circus peut-être. Alors oui, c'est pas une fin définitive, en tout cas pour moi. Didier malheureusement ne m'accompagnera plus dans mes œuvres radiophoniques. Elle souhaitait arrêter, hein. C'est un choix. En tout cas, le direct, moi, je vais continuer à faire des émissions différées qui seront diffusées sur Canal B de 17h30 à 18h30 à la rentrée à partir du 15 septembre, le dimanche soir. Okay. C'est un créneau assez sympa, mais ce sera que de la nouveauté, un peu ce qu'on a entendu ce soir, du garage au psyché, en passant par le stoner et tout ça. Et aussi une autre radio, la même émission sera diffusée aussi sur une radio qui s'appelle Yeah Right Radio, un mercredi sur deux, de 9h à 10h, une radio allemande qui émet partout sur la planète. Ah, d'accord. Ouais. Parce que tu maîtrises la langue allemande aussi, la langue de Goethe. Ja, da. Ok. Non, da, non, c'est russe. Donc, programme un quinzomadaire. Hein. Un quinzomadaire, un bimensuel. Un bimensuel, j'aime voilà, beaucoup. Ouais. C'est ça. Exactement. Pour Canal B et pour Yelrat Radio, les deux en ligne. Ok, pour terminer en beauté, donc une soirée, une nuit complète samedi prochain, donc le samedi 11. 11 juillet, donc samedi prochain, à partir de 20h30 jusqu'au bout de la nuit. C'est ça, on va essayer. Presque, ouais. Ouais, c'est ça, on a décidé de clore ce chapitre Stone Circus en direct et bien par cette émission. Merci à Next Réseau, l'émission de rap qui nous a cédé son créneau. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc ça sera juste après Béchamel Cha Cha Cha, donc le lien se fera assez facilement. Et on écoutera quasiment tout ce qu'on a pu écouter, ce qu'on adore dans cette émission sur 20 ans. Ouais. Il y aura de quoi tenir. Il y aura moyen de fêter l'arrivée du Tour de France aussi. Oui, ah, c'est vrai même que jour. C'est, oui, c'est le même jour. Merde. Ouais, je pensais que c'était fait exprès. Non, si tu veux, moi le vélo, d'accord. Pas trop bon trip. Hein. En faire, non, et regarder encore moins. Ouais, que... et ça peut-être terminera... que toi, tu maîtrises Poulidor compagnie, non ? Oh oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Dis pas Poulidor, ça fait un peu vieux. Ah quoi, merde, puis, ouais. C'est surtout le deuxième, non ? C'est ça. Laurent Fillon. Plutôt. Excuse-moi. Donc ça se terminera au petit matin, donc ouais. Voilà. Ouais, essayez, d'aller, voilà. Et Phil, tu es vraiment gentiment invité, hein. Il n'y a d'accord. Pas de problème. Oh, bah, moi, écoute, tu nous appelles pour te dire. Ouais, il y aura des invités, dont Psyché, oui. Hein, notre plus fidèle chroniqueur. Ouais. Ouais, absolument, qui sera là aussi pour passer ses vieilleries inécoutables et chères. D'accord, bah, écoute, très cher. Toutes les informations sur stonecircus.com, notamment pour se procurer l'excellente compilation Best of Garage Psyché. Made in Stone Circus. Absolument. Merci messieurs, on va merci se à merci toi, à toi. On grand va merci. Se terminer avec une autre nouveauté qui va laisser bien dans l'enchaînement. Il s'agit des Crystal Siphon, un groupe redécouvert récemment, un groupe de la scène psychédélique historique de Californie qui a fait les beaux jours du Fillmore ou d'Avalon et qui avait déjà vu une compilation puisqu'ils n'ont pas sorti de choses à l'époque. Hein, c'était un groupe qui faisait partie des affiches assez célèbres. Mais personne n'avait jamais entendu parler d'eux et le label Roratorio qui sort pas mal de choses aussi en jazz contemporain et en trucs un peu folk et XP avait déjà sorti une compilation il y a de ça 2-3 ans et ils viennent de récidiver avec leur première démo de 67 et un live de 1969 donc au Fillmore West et c'est un titre qui va permettre de verser une larme voilà. Merci, je vais découvrir dans ton émission ça, tu m'en as parlé et c'est avec plaisir que je vais l'écouter maintenant. So long Stone Circus, merci les gars. Bye bye, merci à toi Philippe. To be free sometime in my life, sometime in your life. Love is a long, long time. When you have it, life will turn out fine. Life can't be too much. There's no one to kiss and no one to touch you. Thank you. Down falls the line. êtes toujours dans l'asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz avec une séquence d'acid folk pour saluer les camarades de Stone Circus qui viennent tout juste de quitter le studio. Une séquence donc qui a démarré avec Crystal Siphon et le disque Elephant Ball, des pièces de 1967-1969, donc cette époque un peu mythique pour les camarades de l'émission Stone Circus qui passait beaucoup de choses entre 67 et allez, on va dire 71 dans le psyché historique, et cette formation est effectivement totalement mythique puisqu'elle n'avait rien publié à l'époque et qu'elle a été redécouverte il y a de ça quelques années par le label Roratorio Records qui avait déjà publié une première anthologie sous le titre Family et Ville, florilège de pièces studio et live, et donc cette fois-ci il s'agit de leur tout première démo studio de 1967 et aussi un live de novembre 69 au Fillmore West, et c'est plutôt fuzz, il y a aussi de l'orgue, donc ça devrait plaire complètement à nos amis de Stone Circus dans le registre un peu post-Birds, Grateful Dead ou encore Quicksilver Messenger Service. Et Crystal Siphon était enchaîné avec les Trembling Bells et le disque The Sovereign Self qui vient tout juste de paraître sur le label Teen Angel Records, donc c'est le retour du combo néo-acid folk de Glasgow mené par le batteur, chanteur, songwriter Alex Nelson, qu'on retrouve aussi parfois pour des projets un peu plus expérimentaux et dronesques dans la scène anglaise. Et donc, comme toujours, pour Trembling Bells, la voix unique de soprano assez incandescente de Lavinia Blackwell, pour une sorte de mélange un peu post-Velvet Underground, Vanilla Fudge, ou encore l'Incredible String Band, qui est l'une des grosses références de Trembling Bells. Ils ont d'ailleurs collaboré avec l'un des membres du groupe, Mike Heron. Et récemment aussi, ils ont contribué à un tribute à Shirley Collins, qui est sorti à l'occasion du record de Store Day. Alors, c'est leur cinquième disque en date. J'écoute leur musique un peu par intermittence. J'écoute pas forcément toutes les sorties de Trembling Bells. Le tout premier album Carbass, qui est sorti en 2009, m'avait bien tapé dans l'oreille. Et depuis, ils se sont adjoints les services d'un second guitariste. Alors, les compos sont un peu dans le folk classique renaissance anglais, donc je pense qu'il faut aussi maîtriser la langue, mais c'est plutôt très agréable à écouter, le disque The Sovereign Self par Trembling Bells. On va enchaîner avec tout autre chose et un contrebassiste américain qui répond au nom de Joshua Abrams, qui vient de faire paraître un double LP sous le titre Magnetoception. C'est sorti au printemps chez Eremite Records. Alors Joshua Abrams, c'est un collaborateur d'à peu près tout ce qui bouge à Chicago depuis 15 ans dans le jazz contemporain, mais pas que, aussi dans le rock. Il a fait notamment partie de Town and Country ou encore de Bird Show, et je crois qu'il il improvisait aussi à la contrebasse aux côtés des Roots des tout débuts. Donc pour vous montrer un peu le panel couvert par Joshua Abrams, moi, qui joue plutôt fréquemment aux côtés des gens de la scène de jazz de Chicago. Et depuis quelques années, il se retrouve à jouer du gembri, la fameuse basse à trois cordes d'Afrique du Nord, de la tradition Gnawi, au sein d'une formation qu'il appelle The Natural Information Society, qui est un peu d'inspiration Don Cherry. Ça fait beaucoup référence à l'Organic Music Society de Don Cherry du début des années 70, qu'il avait aux côtés de sa compagne Moki. Et Joshua Abrams, lui, joue beaucoup aux côtés de sa femme Lisa Alvarado à l'harmonium, et qui signe aussi les pochettes de ses albums. Il y en a deux autres qui viennent d'être réédités également, les albums Representing et Natural Information, justement. Des disques qui ont été réédités avec des bonus, et ce double nouvel album est vraiment très très bon, Magnetoception. On en écoutera certainement un autre extrait un peu plus tard dans l'émission, mais là je vous propose un titre assez péchu, qui c'est le titre éponyme, Magnetoception. Conception par Joshua Abrams. Thank you. L'asile souffle le chaud et le froid avec deux nouveautés qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, à part peut-être les jeux rythmiques qu'il y avait à l'intérieur. Tout d'abord, une séquence plutôt afro-groove par le contrebassiste de Chicago, Joshua Abrams, et un extrait de son double LP Magnetoception, publié très récemment par Emerimite Records. Joshua Abrams en compagnie de la Natural Information Society, qui est composée pour l'occasion de l'excellent percussionniste batteur Amit Drake, du guitariste Jeff Parker ou encore de sa femme Lisa Alvarado à l'harmonium. Très très beau disque, double album. Et si vous intéressez à la musique de Joshua Abrams, je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur l'interview qu'il a donnée au magazine anglais The Wire du mois de juillet avec un Invisible Jukebox. Donc on lui soumet des disques en aveugle et ça donne l'occasion de discuter un peu de ses goûts musicaux et de ce qui l'anime, cet homme-là, monsieur Joshua Abrams, dont on reparlera un peu plus tard dans l'émission, et qui était enchaîné avec le projet Blood Music, qui est le retour de Simon Pummery, batteur et aussi bidouilleur électronique londonien qu'on avait découvert à l'occasion de son second EP qui était sorti il y a de ça 2 ans et qui avait un côté totalement no wave, qui était extrêmement brillant, cet EP de Blood Music, qui était sorti à l'époque chez Diagonal, qui récidive avec ce nouveau maxi sous le titre Chick Badgering. Alors Simon Pummery, c'est quelqu'un pas très connu et qui, en dehors de ce projet, n'a pas l'air de faire énormément de choses, à part peut-être jouer à droite à gauche à Londres. En tout cas, ce Blood Music est extrêmement intéressant dans le côté noise électronique post-industriel. C'est vraiment plus quelque chose d'assez réussi dans le registre, ces 3 titres de Blood Music, et un remix aussi pour l'occasion sur ce maxi par Luke Younger alias Helm, qui lui aussi vient de sortir un tout nouvel opus chez Panrec. Voilà, on va continuer avec un musicien, cette fois-ci américain, qui répond au nom de Nick Forte. Alors, il est connu pour les gens qui fréquentent les scènes hardcore, pour avoir été le guitariste du groupe Rorschach, et aussi du combo new-yorkais post-punk Computer Cougar. Depuis quelques années, il est aussi la moitié du duo Christmas Decorations, ou encore membre de Raspberry Bulbs, avec lequel il a sorti 2-3 albums, qui est une formation plutôt, là encore, assez noise industrielle. Nick Forte qui sort aussi des albums tout seul, à l'image de ce Primordial Forms sorti par Amish Records, qui est le disque avec lequel je le découvre. Et cette musique assez incroyable, il y a un côté un peu cartoonesque et aussi un peu noise contemporain expérimental. On écoute le titre Rhodopherax de monsieur Nick Forte, extrait de ce Primordial Forms. Thank you. build a dream, build a dream, the dream, the dream, the dream, dream on, dream on, dream on, dream on, build a dream, build a dream, the dream, the dream, the dream, dream on, dream on, dream on, build a dream, the dream, the dream, the dream, the dream, dream on, dream on, dream on. Build a dream, the dream, the dream, the dream, the dream, dream on, dream on, dream on. Build a dream, the dream, the dream. Thank you. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr avec une séquence, on pourrait dire, de musique électronique qui m'a bien fait plaisir. J'espère que vous aussi. Elle a démarré avec Nick Forte et un disque totalement schizophrénique qui répond au nom de Primordial Forms. C'est sorti sur l'excellent label Amish Records, qui sort des choses plutôt pas mal depuis 3-4 ans, notamment Ensemble Électronique. On suit assez régulièrement leur production. Et là, il s'agit de celle d'un Américain, je crois qu'il est New-Yorkais, qui fait plutôt dans le noise électronique un peu fractal, on pourrait dire, et assez fracturé. C'est plutôt pas mal, ce Primordial Forms, qui était enchaîné avec un disque dont je vous ai pas mal rebattu les oreilles, mais vraiment très très réussi, ce disque de Mutamasic, Symbols Follows, qui est sorti chez Discrepante, le label britannique. Une excellente plongée dans une sorte d'imaginaire des musiques arabes égyptiennes par l'italo-égypto-américaine Julia Lully, qui vit aux États-Unis depuis qu'elle a 5 ans, donc depuis une petite trentaine d'années, et qui officie sous le nom de DJ Mutamasic depuis le milieu des années 90. Alors c'est un 33 tours avec une pochette fantasmagorique, très très dans l'imaginaire du monde arabe, avec un insert et des textes à la volée qui sont assez sublimes aussi en anglais, comme ce qu'elle illustre aussi sur ce disque où elle est entièrement toute seule. Elle est à la fois scratcheuse, je crois que c'est elle qui fait aussi les parties de cordes, et c'est quelqu'un qui navigue aussi pas mal dans le jazz contemporain. Je crois qu'elle a collaboré notamment avec dans des projets d'Anthony Braxton ou des choses comme ça, donc elle a pas mal de cordes à son arc, et ça s'entend sur ce disque qui est une sorte de paysage sonore qui se déroule sur deux faces vraiment fantastiques. C'est le troisième extrait ou quatrième que je vous propose, et il y en aura peut-être d'autres d'ici la fin de la saison 11 de l'Asile. On va continuer avec cette fois-ci des Polonais qui répond au nom de Maz Sacre avec deux Z, qui viennent de paraître l'album Plus, qui est un CD sorti sur l'étiquette Instant Classic de Cracovie, qui est en version soit simple CD, soit double CD accompagné d'un live in Varsiviak. Il s'agit du combo du clarinettiste Jerzy Mozol, qui est accompagné d'un certain nombre de figures du free jazz polonais, notamment Jarir Rezra Blumen Kranz, qui est un joueur de oud et de basse, qui collabore très régulièrement aux côtés de John Zorn dans ses projets Book of Angels. Et on y retrouve aussi Jacek Stromski à la batterie, Radek Dziubek à l'électronique, qui lui officie dans un combo qui s'appelle Inner City Ensemble. Il y a quelques soufflants aussi dans ce projet Maz Sacre. Et à noter que l'album a été mixé par Marcin d'Emitter, alias Emitter, et donc ça s'appelle Plus, et je vous propose d'écouter le titre qui démarre cet excellent disque avec lequel je les découvre. C'est Massacre, le titre Lust, extrait de ce disque qui répond au nom de Plus. Thank you. Thank you. Une triplette de jazz free pour terminer les sélections de l'asile le plus sûr de cette semaine, avec tout d'abord en début de séquence la formation polonaise Massacre et l'album Plus, qui est un album qui mélange un peu sonorité hip-hop et free jazz, et de manière plutôt très réussie, sorti chez Instant Classic, le label de Cracovie, qui monte, qui existe depuis 2-3 ans. Il y a pas mal de bons labels et d'excellents musiciens en Pologne, en jazz free et contemporain. Je pense notamment aussi à l'étiquette de disque Fortune, qui sort d'excellentes choses. Et ce disque de Massacre était enchaîné avec l'excellent saxophoniste Yoni Kretzmer et son tout basse quartet. L'album s'intitule Book Number 2. Il est sorti sur Out Now Recordings. Et c'est un double album pour le saxophoniste ténor qu'on retrouve aux côtés de la paire Ruben Radding et Sean Conley à la contrebasse, ainsi que Mike Pride à la batterie. Yoni Kretzmer, qui est quelqu'un qu'on a découvert en fin d'année dernière lors d'un trio aux côtés de l'excellente section rythmique Pascal Ligenkemper à la contrebasse et Wiesel Walter à la batterie. Et le disque Protest Music, également chez Out Now Recordings, ce saxophoniste donc originaire d'Israël, qui a étudié à Jérusalem, Tel Aviv, Paris, et qui vit présentement à New York, est très très influencé par la musique d'Albert Heller ou encore de Pharoah Sanders. C'est sur le titre qu'on entendait, je pensais même à des références pas mal coltraniennes aussi pour Yoni Kretzmer. Et on a terminé avec le colosse de Wuppertal, Peter Brotzmann, dans un disque entièrement en solo qui répond au nom de Monster Bern, qui est un concert qu'il avait donné le 27 octobre 2013 dans la cathédrale Münster de Berne, avec une acoustique assez incroyable. C'est assez peu fréquent d'entendre le saxophoniste légendaire allemand entièrement tout seul, et c'est vraiment très très réussi. 5-6 pièces qui composaient ce récital, où on le retrouvait notamment avec son instrument traditionnel à hanche double, tarago, et aussi différents sax, et notamment pour ce titre qui était un hommage à monsieur Ornette Coleman et à son Lonely Woman, qui était magnifié par Peter Brotzmann, et ce qui nous donne aussi l'occasion de rendre encore un nouvel hommage au saxophoniste américain Ornette Coleman, disparu le mois dernier. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que les sélections sont écoutables et podcastables avec leur playlist sur le site asile35.blogspot.fr, également sur le mixcloud.com/redman. Je vous rappelle la soirée spéciale autour de nos camarades de Stone Circus qui vont vous faire voyager dans le temps toute la soirée du samedi 11 juillet sur l'antenne du 94 MHz, également écoutable à partir d'internet. Ce sera sans doute aussi disponible sur leur site stonecircus.com. Donc cette émission de 8h30 à 8h du matin, et qui sera aussi donc l'occasion de fêter la venue de la petite reine à Rennes, qu'il ne faudra pas manquer bien évidemment ce samedi 11 juillet. Voilà, bon, vous êtes totalement excusé si vous n'allez pas voir le Tour de France, bien évidemment, si vous préférez aller à la plage. Voilà, on se retrouve encore pour deux émissions en direct, notamment celle du 13 juillet, et on se quitte avec un dernier titre et un nouvel extrait du disque de Joshua Abrams, Magnetoception, ce double album vinyle sorti chez Eremite Records, dédié d'ailleurs à la mémoire du saxophoniste Fred Anderson, qui lui est disparu je crois l'an dernier, qui était l'un des mentors de Joshua Abrams, avec lequel il a beaucoup beaucoup appris dans les années 90-2000, et donc on retrouve sa Natural Information Society sur un titre assez long dont on n'écoutera qu'un extrait. Et donc monsieur Joshua Abrams au Gembry, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine.